J'attends Noël. J'attends Noël. J'attends Noël. J'attends Noël. J'attends Noël depuis lundi, mais elle ne viendra pas. Oh non, pas avant vendredi, car Noël est comme ça. Elle a des choses à régler dans sa vie bien remplie. Et je ne suis pas le premier de ses petits chéris. J'aimerais bien m'allonger tous les soirs à ses côtés, mais c'est un peu compliqué, alors je me tais. J'attends Noël au plan d'eau, elle me revient tous les week-ends. Un beau pique-nique dans les mains, moi je l'aperçois au loin. J'attends Noël et je ferme un peu les yeux pour qu'elle m'emmène avec elle. Noël et moi, c'est comme ça qu'on s'aime, même si son copain veut pas. J'attends Noël. J'attends Noël. J'attends Noël. J'attends Noël. J'attends Noël pour lui dire que cette fois c'est fini, que j'en ai marre de savoir qu'elle s'endort avec lui. Elle me dit qu'elle est amoureuse et que ça ne se fait pas de quitter son copain comme ça pour sortir avec moi. Alors je rentre isolé pour composer et prier toute une vie esselée. Est-ce que ça vous dirait? J'attends Noël au plan d'eau, elle me revient tous les week-ends. Un beau pique-nique dans les mains, moi je l'aperçois au loin. J'attends Noël et je ferme un peu les yeux pour qu'elle s'endorme avec moi. Noël et moi, c'est comme ça qu'on s'aime, même si son copain veut pas. J'attends Noël. J'attends Noël. J'attends Noël. J'attends Noël. J'attends Noël au plan d'eau, elle me revient tous les week-ends. Un beau pique-nique dans les mains, moi je l'aperçois au loin. J'attends Noël et je ferme un peu les yeux pour qu'elle m'emmène avec elle. Noël et moi, c'est comme ça qu'on s'aime. Mais l'amour ne suffit pas. J'attends Noël.